Ah bonjour, vous êtes là. Je vous avais pas vu. De Fangio à Hamilton, ces 70 ans de joie, de rire et de pleurs, et surtout des légendes de la Formule 1 qui auront, chacune à leur manière, marqué la discipline et inspiré les générations futures. Nous voilà dans le quatrième et dernier épisode, retraçant la mythologie de ceux qui ont un jour prétendu à l'honorifique statut de meilleur pilote du monde. Fangio, Hill, Clark, Stewart, Lauda, Prost, Senna, j'en passe, peu importe comment le stylo et la feuille sont utilisés, ce sont les vainqueurs qui réécrivent l'histoire, et c'est ce que nous avions vu la dernière fois en nous arrêtant aux 11 titres cumulés par Ferrari et Schumacher entre 1999 et 2004, domination occultant les précédentes de McLaren et Williams. Nous avions aussi vu certaines des plus intenses rivalités du sport entre Piquet et Mansell, Prost et Senna ou Hakkinen et Schumacher. L'Allemand devenait le seul et unique pilote de l'histoire en plus de 50 ans d'existence à égaler et battre les 5 titres de la légende Fangio. Et si les deux décennies que nous allons couvrir aujourd'hui sont parmi les moins riches de diversité au sommet, avec 3 pilotes qui se partagent 16 titres en 21 saisons, il n'empêche que ces trois-là auront à affronter certains des meilleurs pilotes de leur génération. Et si désormais nous connaissons bien Michael Schumacher, nous allons aussi nous attarder sur une triade de gamins qui vont lui rendre la vie difficile et qui vont porter l'imagination de millions de spectateurs tant leur potentiel laissait entrevoir un avenir radieux pour la discipline. Juan Pablo Montoya est un ovni de la Formule 1 du début des années 2000. Le Colombien brillait en monoplace américaine et, avec un succès aux 500 miles d'Indianapolis, Frank Williams voyait en lui le nouveau Jacques Villeneuve. Et dès ses débuts en 2001, il ne tarde pas à contrarier le Baron Rouge, confirmant les convictions de Williams. Si la malchance et sa fougue viennent retarder son heure, sa première victoire à Monza lui semblait déjà due depuis longtemps. En 2003, il porte les espoirs de son équipe pour le titre, mais manque de réussite sur les dernières manches et, désabusé, il rejoint McLaren-Mercedes en 2005, arbitrant de loin la lutte mondiale après un début de saison difficile marqué par une blessure d'origine inconnue qui lui coûta deux grands prix. Montoya a tous les attraits d'un grand champion. Il a autant d'admirateurs que de détracteurs. Sa personnalité franche, brutale, explosif, en font un caractère unique et inimitable, alors que nous entrons dans une ère dominée par les médias et les pilotes formatés par les sponsors. Montoya est là pour piloter à la limite, et parfois au-delà, et il n'a aucune envie de se cacher derrière de faux semblants devant les caméras, n'hésitant pas à se moquer des jeux psychologiques de Schumacher en interview. I'm amazed. I've actually got in front of him when we were breaking a little bit. Oh no, he didn't see me there. Well, no. No chance. You know, you gotta either be blind or stupid to not see me, but you know, it's racing. Juan Pablo Montoya has walked out of a press conference ahead of this Sunday's Australian Grand Prix. The Williams driver left the conference when two comedians, posing as reporters, kept up a stream of inane questions. Jean-Paul ne supporte pas le non-sens et ceux qui brassent du vent, mais c'est bien cela qui lui coûtera son avenir en Formule 1. Sa personnalité ne pouvait pas marcher avec l'approche froide, méthodique et hyper contrôlée de Ron Dennis qui avait déjà, publiquement, prévu de le remplacer en 2007, alors que la saison 2006 avait à peine commencé. Suite à une altercation entre eux en cours de saison, Montoya quitte définitivement et à jamais la Formule 1. Son beau palmarès dans de nombreuses disciplines automobiles en font un des plus grands pilotes de son temps, qui n'a laissé personne indifférent. Il est même le seul pilote à avoir gagné le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Indianapolis avec Jim Clark et Graham Hill, le faisant entrer dans un cercle très spécial qui semblait inaccessible aux pilotes modernes. Mais pour ce qui est de la Formule 1, il ne sera qu'une étoile filante et son palmarès riche de 7 victoires semble ironiquement pauvre et incomplet alors que sa petite empreinte dans l'histoire de la catégorie en deviendra paradoxalement immense tant elle peut fasciner. S'il fut un temps où la fatalité empêchait certains espoirs de continuer, seule la personnalité explosive du Colombien mettra un terme à sa carrière en F1 et laisse tous les observateurs se demander « Et si ?» Et s'il était resté? Et s'il avait su calmer ses ardeurs? Et si Juan Pablo Montoya avait pu laisser pleinement éclater son talent au moment le plus propice de sa carrière? Eh bien, nous le saurons jamais, mais JPM marquera profondément chacune des 5 saisons et demie qu'il disputa en catégorie reines. Heureusement pour le sport, il n'était pas le seul prodige à voir le jour en 2001 et, contrairement à lui, les deux jeunes prodiges que nous allons évoquer vont plus que certainement laisser leur nom perdurer dans la discipline. Alors, nous sommes à la fin de l'été 2000 sur le tracé du Mugello. Certaines équipes ont loué le tracé pour des essais privés. Enfin non, là on n'y est pas, mais juste projette-toi 2000, on est sur le circuit Mugello. Enfin là, c'est pas le Mugello. Bref, 2000, Mugello, voilà. Michael Schumacher travaille avec tout le sérieux qui le caractérisait dans le garage Ferrari. Pourtant, il peut pas s'empêcher de loucher sur une voiture bleue qui partage la piste avec lui ce jour-là. En fin de journée, le double champion du monde se précipite discrètement dans le garage de l'écurie Sauber et demande à l'ingénieur Jackie Eichelhardt, enfin, je le prononce certainement mal, il lui demande « Eh, mais c'est qui, là, ce petit jeune, là, qui est avec toi? Je l'ai jamais vu, il a l'air super rapide et tout. » Eh bien, ce petit jeune, comme il dit, il nous vient tout droit de Finlande et il s'appelle Kimi Raikkonen. Sauber n'osait même pas communiquer sur ce test, tant ils étaient réticents à l'idée de faire rouler un pilote avec une petite vingtaine de départs en monoplace. Mais en même temps, ils avaient senti qu'ils avaient entre les mains un talent particulièrement unique qui voulait tenir à la discrétion des grosses écuries, tu vois. Et à la fin de ces 2 jours d'essai, bah, son équipe, Sauber, est bouche bée. Parce que malgré un manque d'expérience, une condition physique insuffisante, parce que c'est un tracé très exigeant, le Mugello, bah, Raikkonen, c'était un métronome massacrant qui ne commettait pas la moindre erreur. Et quand on lui a donné une chance de faire des tours avec peu d'essence dans le réservoir, eh bien, le Finlandais enflammait le chrono. Ses débuts sont controversés à cause de son manque d'expérience en 2001. Max Mosley, le président de la FIA, refuse de mettre en danger un jeune homme et les autres pilotes en faisant venir n'importe qui en Formule 1. Mais finalement, il cède aux supplications de Sauber en lui accordant une super licence provisoire. Mais Raikkonen fait vite taire les critiques et séduit même son compatriote Mika Hakkinen. Le double champion du monde s'assurera que Kimi prenne la relève chez McLaren en 2002 lorsqu'il prendra sa retraite. Iceman, ou l'homme de glace, est le surnom qu'il gagne, car Raikkonen est imperturbable et une énigme paradoxale. Il peut être physiquement là et absent en même temps. Son regard, pourtant d'un bleu vif et tranchant, semble toujours ailleurs, rêveur, trahi par un sourcil qui semble faire tous les efforts du monde pour le tenir éveillé. Et ce n'est pas ce regard meurtrier des pilotes de Formule 1 qui semble constamment préoccupé par la victoire, c'est le regard d'un enfant distrait, rêveur, qui s'ennuie pendant un cours d'histoire. Kimi n'est pas comme ces autres jeunes surexcités à la simple idée d'être enfin dans un paddock de Formule 1, c'est un enfant dans sa bulle. Il attend simplement de pouvoir monter dans une Formule 1 et rouler. Le succès, le monde médiatique, politique l'ennuie. S'il signe quelques autographes et prend quelques photos, c'est par obligation, car il ne cherche nulle gloire. Un pur passionné qui aurait trouvé son bonheur dans les premières années du sport, quand s'exposer en public, ce n'était pas se retrouver envahi par une foule de spectateurs. Mais par-dessus tout, cet enfant mollasson qui aime piquer du nez dans sa voiture en attendant le départ est un des pilotes les plus rapides et naturellement doué qui n'ait jamais embrassé les pistes de Formule 1. It's never been difficult to learn new circuits. Then it's just a matter of getting the setup right and so of course sometimes the car is not good enough for the top 10 places, but that's the life and we always try to make car better and quicker, but it's quite difficult always. Avec une seule victoire, il parvient à mener la lutte mondiale face à Schumacher en 2003, certes aidé par une modification du barème qui récompense les 8 premiers et accorde un avantage moins conséquent à la victoire. Malgré tout, il échoue pour une unité face à la Ferrari de Schumacher et 2004 est une saison plus difficile, mais il parvient malgré tout à prendre sa seule victoire de l'année sur les terres d'excellence de Schumacher à Spa et en 2005, le voilà de nouveau en lutte mondiale. Raikkonen, c'est l'avenir de la Formule 1, ceux qui en doutent sont soit aveugles, soit stupides. Pour qu'un pilote si inexpérimenté parvienne à jouer sur le même tableau que les plus vieux briscards, c'est qu'il est de la trempe de ceux qu'on n'oubliera jamais. Il mène une campagne phénoménale dans une McLaren aussi redoutable qu'inconstante et fragile, et c'est justement ce qui finira par lui coûter le titre. Mais quel genre de rival pourrait bien battre un pilote si prodigieux ? Schumacher ? Non, absent. C'est un autre enfant, ultra talentueux et avec un nom exotique et original, Fernando Alonso. Bien que le très jeune pilote espagnol battait des records de précocité, il avait plus d'expérience en monoplace que Raikkonen. Débutant en 2001 comme les deux précédents, il éclate lui aussi en 2003, devenant le plus jeune poleman, le plus jeune pilote à monter sur un podium et même à gagner une course, le tout en prenant un tour à Schumacher. En réalité, Alonso est tout autant un ovni que Raikkonen, mais dans un tout autre sens. Il n'est pas un glacial finlandais promis à suivre les pas de deux autres champions, mais un bouillonnant hispanique d'une nation jamais représentée sur un podium en Formule 1, dans un pays qui ne diffusait pas le sport et laissant le petit Fernando devoir se contenter d'une dizaine de secondes de résumé au journal TV pour vivre la F1. Mais Nando n'est pas ce timide et discret personnage, mal à l'aise devant les journalistes, mais un plaisantin décontracté. Il n'est pas du genre à faire la sieste avant son premier Grand Prix et faisant les unes à scandale à cause de son état d'ébriété entre deux courses, mais un explosif compétiteur ne vivant que pour la course automobile. Si sa Renault n'était alors pas digne de jouer un titre, on peut se ravir de le voir dans le peloton avant qu'arrive la saison 2005 et sa domination dès les premières épreuves. Suite à la domination de Ferrari et ses 11 titres en 6 ans, et 15 victoires sur 18 possibles en 2004, la FIA a voulu donner un gros coup de pied dans la fourmilière avec une nouvelle réglementation interdisant de changer les pneumatiques en course pour pénaliser Ferrari et Bridgestone qui étaient si dominants sur les courts relais. C'est une réussite absolue car le Kaiser ne peut tenir la lutte face aux Renault et McLaren équipés de pneus Michelin. Cela ne l'empêchera pas de venir rappeler qui il est dès qu'il en aura l'occasion, mais laisse néanmoins le champ libre à la jeune génération. Entre Montoya, Raikkonen et Alonso qui se partagent pratiquement l'intégralité des victoires. Mais grâce à un début de saison sublime et une saison quasi parfaite, ne manquant que deux podiums, Fernando Alonso, de Oviedo, Espagne, qui dut jouer de son charisme pour trouver des sponsors et pallier à ses origines modestes, propulse sa nation, qui se moquait éperdument de la F1, au sommet du monde. De gradins relativement sobres et modérés, le Grand Prix d'Espagne deviendra bleu, aux couleurs de Renault et aux couleurs des Asturies, région d'origine de Fernando, et les foules scanderont son nom à chaque venue. Alonso, Alonso. Serait-ce donc lui le futur de la Formule 1 ? Pour y répondre, aurions-nous pu imaginer meilleur duel en 2006 que celui du jeune prince contre le roi Schumacher ? Ferrari est de retour et l'annulation de la règle introduite en 2005 n'y est pas pour rien. En effet, les nombreux soucis de sécurité qu'ont causé cette interdiction de changer les pneus ont causé deux controverses, au moins. La première était de voir le dominant Raikkonen partir dans le mur à toute vitesse dans le dernier tour en Allemagne. La seconde est peut-être l'une des plus grosses de l'histoire, les crashs répétés des Toyota équipés de pneus Michelin sur le tracé d'Indianapolis. Empruntant un morceau du mythique banking, l'asphalte resurfacé détruit les pneus Michelin. Par mesure de sécurité, le manufacturier français força tous ses partenaires à se retirer de l'épreuve. Soit 7 équipes sur 10. Schumacher gagnera son seul Grand Prix en 2005 face à son coéquipier et devant les Jordan et Minardi qui passèrent toute l'année en fond de gris. La relation entre la Formule 1 et les États-Unis touchera à son terme 2 ans plus tard, alors que le retour sur le continent, en 2000, apportait de plus en plus d'enthousiastes dans les tribunes. Michelin finira par rembourser tous les spectateurs, mais ne parviendra pas à réparer leur cœur. In Monza, we had the death of a marshal, and all of us drivers agreed we would want, for the first two chicanes, yellow flags. And there was no less than two or three team owners which told their drivers, you would not respect the yellow flag. Just ignore what you have maybe said or not said. We want you to race and we force you to race. And it's the same people that have been today on the other side. So Formula One is a tough business. We're working very hard, and as I mentioned before, we have had a tire which is quicker. We didn't use that because of we knew what is going to face us here. I'm not saying that the others purposely choose something wrong, but whatever it is their problem, not our problem. And I don't think you can ask the people who are not responsible for to take the responsibility. Schumacher et Alonso dominent la saison 2006, l'inévitable lutte entre la légende vivante contre ceux qui finiront un jour par le remplacer. Une saison d'une intensité rare, avec des luttes épiques entre les deux, à chaque fois à la limite, mais jamais au-delà. Avec une équipe Renault fraîchement titrée contre un bulldozer Ferrari revenant de plus en plus fort au fil de la saison. Des polémiques sur la légalité de l'une des voitures, puis sur celle de l'autre. Et sur le côté sportif, peut-être que la seule chose qui entachera ce championnat, ce sera une manœuvre délibérée de Schumacher pour forcer l'interruption de la qualification à Monaco pour prendre la pole position. La grande comédie jouée par Flavio Briatore, son ancien patron lorsque Renault était Benetton, n'aura pas besoin d'influencer la FIA qui a aussi vu cette action anti-sportive et le disqualifie de la séance. Derrière ses réactions en piste déplorables, Schumacher n'en oublie pas moins de démontrer son habileté en remontant de la dernière à la cinquième place sur ce tracé ridiculement étroit. Ou encore en Chine, où, sous la pluie, il sublime sa Ferrari, une nouvelle fois dans ses conditions dantesques, pour battre les Renault en piste. Mais Alonso n'est pas en reste, battant brillamment Schumi à Bahreïn, à Silverstone ou au Canada. Cette saison marquait le licenciement et la fin de Jacques Villeneuve en cours d'année, faisant du Kaiser et Alonso les seuls champions en piste. Le Canadien sera remplacé par Robert Kubica, un surprenant jeune Polonais qui prendra un podium dès sa troisième course. Raikkonen, quant à lui, n'aura jamais la McLaren suffisante pour se battre contre eux, mais aura l'occasion de briller régulièrement, tout comme le jeune Anglais, Jenson Button, qui prendra une superbe première victoire depuis le milieu de grille. Ou encore, le nouvel équipier de Schumacher, le Brésilien Felipe Massa, qui prendra deux victoires, dont une au Brésil, où les fans voient en lui le nouvel héritier de Ayrton Senna. Alonso, Raikkonen, Massa, Button, Kubica, le septuple champion du monde s'en moque. Il est prêt à les remettre à leur place, mais le monde sent bien que le vent a tourné. Et en parlant de vent qui tourne, quelque chose d'étrange se trame chez Ferrari depuis quelques semaines. L'atmosphère semble lourde alors que l'équipe tarde à annoncer ses futurs pilotes. To make it short, in a way, this is going to be my last Monza race I'm going to do. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Mais toute la détermination, le talent et l'agressivité de l'Allemand ne suffiront pas face à un Alonso massacrant de régularité. Par son éthique de travail, sa préparation physique, Michael Schumacher aura totalement redéfini ce qu'implique le métier de pilote de F1. Quittant le sport avec 7 titres mondiaux, 91 victoires, 68 pole positions et beaucoup trop d'autres chiffres et records bien trop obscènes pour les comparer aux champions de jadis devant un public aussi pur et innocent que vous. Même dans la défaite, le Baron Rouge peut partir la tête haute à la conclusion de la dernière manche au Brésil, qui le voyait partir dernier avec un tour de retard en début d'épreuve, à quatrième au drapeau à damier. Le futur de Kimi est tout tracé, c'était une évidence depuis ses premiers tours de roue. Seul lui était destiné à prendre le flambeau laissé par Schumacher, qui fut toujours aussi admiratif du Finlandais. Il est le nouveau héros de Ferrari et entame sa carrière en rouge avec une victoire à Melbourne et va devoir mener la lutte contre son ancienne équipe pour mener la troisième grande guerre de Ferrari contre McLaren. Une équipe McLaren qui sera menée par le grand rival de notre Finlandais, double champion en titre venu le remplacer à Woking. Désormais en gris, Fernando Alonso a tout juste terminé de construire le premier palier de sa future légende en battant le roi et en prenant fièrement sa place sans que personne n'ose le contester. Mais la troisième grande lutte entre les deux plus grandes équipes de l'histoire ne se déroule pas tant en piste comme on pourrait le croire qu'en coulisses. Oh que oui, les rouges et gris se battent et monopolisent le succès en 2007, mais la tension semble ailleurs. Entre une équipe McLaren divisée en interne et une Scuderia Ferrari en pleine transition, avec Schumacher à la retraite, l'ingénieur Ross Brawn parti pour Honda et le directeur Jean Todt, chef d'orchestre de la réussite des rouges, préparant son remplaçant, ce sont deux hommes de l'ombre qui causent le scandale. L'un des plus grands scandales de l'histoire. Un mécanicien Ferrari, jaloux de s'être vu refuser une promotion, et un ingénieur McLaren réussissent à faire fuiter des informations confidentielles de Maranello. Ron Dennis, à la tête de McLaren, nie tout en bloc, jusqu'à ce qu'Alonso, en froid avec son nouveau patron, fasse éclater la vérité aux yeux de Max Mosley à la présidence de la FIA. McLaren est exclu du championnat constructeur et puni de 100 millions de dollars d'amende et ses pilotes s'entretuent en interne, laissant juste le point qu'il fallait à Raikkonen pour gagner le titre dans le championnat du monde le plus serré entre trois pilotes. Mais en 2008, Raikkonen semble ailleurs et Alonso retourne chez Renault qui est en grande souffrance. Cela laisse place à leur équipier respectif de se livrer un duel intense jusqu'à la dernière manche de la saison. Felipe Massa aura tout tenté pour devenir le premier Brésilien depuis Senna à gagner. Il en surprenait plus d'un en arrivant à suivre le rythme de Schumacher sur la fin de l'année 2006 et en faisant jeu égal avec Raikkonen. Mais hélas, il s'inclinera face au jeune prodige de McLaren, Lewis Hamilton. Plus jeune champion du monde de l'histoire, Hamilton débutait aux côtés de Alonso en 2007 et ne tardait pas à se mettre dans le rythme du double champion en titre. Si la gestion de ces deux fortes personnalités fut désastreuse de la part du management McLaren, le départ de l'Espagnol donnait toute l'attention que Hamilton méritait pour démontrer ses capacités en 2008. À peine le monde a pu digérer le passage de flambeau de Schumacher à Alonso et Raikkonen qu'un jeune Britannique mène une nouvelle génération de talents qui explosait cette année-là. Robert Kubica pour BMW et Sebastian Vettel, protégé de la nouvelle écurie Red Bull. The bump-up geeks, you better run, outrun my gun. All the other kids with the bump-up geeks, you better run, faster than my bullet. Bercé par la domination des McLaren de Prost et Senna, admiratif du jeune prodige brésilien, le jeune Lewis fut très vite pris en charge par McLaren pour l'aider à accéder en monoplace, devenant ainsi la pupille de Ron Dennis. Le monde le disait fou et sénile lorsqu'il lui offrait ses débuts dans son équipe en 2007, aux côtés du double champion du monde en titre. Mais celui qui voyait des champions en Prost, Senna, Hakkinen ou encore Raikkonen avait une nouvelle fois raison, parce que Lewis a très vite fait tomber les mâchoires des observateurs. Comment un si jeune pilote pouvait-il donner un si gros coup de vieux à Alonso et Raikkonen en luttant pour le titre face à eux et en menant la majorité du championnat 2007 dans sa première saison? Le public anglais avait eu la Hunt Mania, puis la Mansell Mania, mais depuis, les tribunes du tracé de Silverstone semblaient rétrécir d'année en année. Et après les premiers succès de Hamilton au Canada et à Indianapolis, la Hamilton Mania naît et les tribunes sont en folie lorsqu'il signe la pole position pour sa première venue. L'année suivante, il remporte la course pour la première fois en maîtrisant sa machine sous un déluge qui aura démontré son aisance dans ces conditions, gagnant avec plus de 1 minute d'avance sur son poursuivant. Si jeune et déjà une victoire de légende. Voir Fernando Alonso prendre ses deux titres semblait mérité, voir Raikkonen prendre son unique titre l'année suivante semblait être un dû depuis bien longtemps. Voir Hamilton prendre son premier titre pour sa deuxième saison en F1 semblait déjà parfaitement naturel. Dans l'esprit de beaucoup, il était même déjà champion avant de l'être réellement. La portée de jeunes pilotes de cette époque est par ailleurs particulièrement inquiétante. Le Polonais Robert Kubica, âgé de 23 ans, parvenait à suivre la lutte mondiale cette année-là sans avoir jamais une machine capable de jouer la victoire, comptant uniquement sur sa régularité et son opportunisme. Mais peut-être que la plus grande révélation de cette saison 2008, c'était Sébastien Vettel, âgé de seulement 21 ans, au volant d'une modeste Toro Rosso habituée au fond de grille. Il parvenait pourtant à dominer le Grand Prix d'Italie sous la pluie pour devenir le plus jeune vainqueur de l'histoire. Ses prestations ahurissantes pour son jeune âge volaient presque la vedette à Hamilton lors de la manche décisive au Brésil, lorsqu'il dépassait le Britannique et le privait de la cinquième place qui aurait pu lui donner le titre. Si ce n'était pas pour un pilote en difficulté en fin de course, le jeune Allemand, qu'on surnommait Baby Schumi en hommage à son héros d'enfance, au volant d'une voiture de milieu fond de gris, aurait bien pu coûter un titre au prodige de McLaren. Il en fallait pas plus pour que les médias et les observateurs fantasment leur future rivalité. Car la génération précédente semble s'éteindre. Raikkonen finira par quitter la F1, blasé de ne pas avoir une machine gagnante disponible en 2010, une fois poussé dehors par Ferrari qui recrutait Alonso à sa place. Ce licenciement fait beaucoup parler, car malgré des saisons 2008 et 2009 compliquées, Raikkonen reste Raikkonen, et après deux saisons à sombrer dans le peloton chez Renault, la réputation de Alonso est au plus bas. Si sa confrontation face à Hamilton, ou ce temps passé à jouer de petits points, n'a pas tant remis en question son talent, la saison 2007 est ternie par la polémique de l'affaire d'espionnage que Alonso a révélée au grand jour en guise de représailles contre Dennis. Mais aussi, en 2008, en le faisant revenir chez Renault, Flavio Briatore était en difficulté. Dans cette voiture médiocre, Alonso n'avait pas marqué le moindre podium, et pour que sa clause de victoire ne vienne pas casser son contrat et ne lui fasse perdre son chouchou, Briatore préparait un plan machiavélique sur le nouveau tracé de Singapour organisant le premier Grand Prix nocturne de l'histoire. Il demandait à Nelson Piquet, fils de Nelson Piquet, qui n'avait que pour seul talent d'avoir le nom de son paternel, de se crasher à un moment très spécifique de la course pour forcer l'intervention d'une voiture de sécurité. Alonso, qui avait un rythme surprenamment bon ce jour-là, partait de loin à cause d'un ennui technique. Le plan fut exécuté à merveille et Alonso remportait la course. Un an plus tard, suite au licenciement de Piquet, le jeune Brésilien révélait la vérité. Renault fut terni à jamais et Briatore banni du cirque de la F1. Suite à toutes ces affaires, Fernando n'était plus la mascotte rigolote de la F1, mais un requin. Un requin assoiffé de sang, prêt à tout pour gagner, et un requin dévorant Felipe Massa chez Ferrari. Un requin qui menait le championnat pour la dernière manche de la saison 2010, dans une voiture qui ne semblait jamais en mesure de prendre des succès régulièrement. Cette lutte mondiale était accompagnée par des redoutables McLaren, avec leur révolutionnaire F-Duct, qui relevait l'aileron arrière en ligne droite pour gagner de la vitesse, et qui allait servir d'inspiration pour l'arrivée du DRS en 2011, système permettant à n'importe quel pilote, se trouvant à moins de 1 seconde d'un autre pilote dans une zone délimitée, de pouvoir activer cette technologie et faciliter les dépassements. Au volant des voitures chromées, les deux champions du monde en titre, Button et Hamilton. Dans cette lutte de champions du monde, la jeune équipe Red Bull faisait presque tâche. Si nous avions déjà vu des équipes de marques non sportives comme Benetton jouer le titre en F1, c'était aussi la première vraie occasion de mondial pour l'Australien Mark Webber, héritier de la rugueuse d'Alan Jones dans le pilotage et dans les mots, et de la popularité de Brabham parmi ses confrères. Et la première vraie occasion pour le jeune Sébastien Vettel de gagner un titre. Malgré une voiture bien meilleure pour optimiser ses qualifs que ses grands prix, Vettel parvient à remporter le titre lors de la dernière manche, dans un duel opposant 4 prétendants. Vettel remporte 3 autres titres consécutifs, une performance seulement enregistrée par Fangio et Schumacher. Face à un équipier moins rapide mais particulièrement tenace, le monde voit le masque de Baby Schumi tomber pour dévoiler un serpent prêt à tout pour gagner. Mais derrière ces querelles de récréation, Vettel se révèle être un monstre de travail. Avec des machines intelligemment conçues par Adrian Newey, il s'acharne à analyser ses télémétries. Il veut maximiser au millimètre près son point de freinage, optimiser les effets de son diffuseur soufflé qui offre du grip en accélérant et utiliser intelligemment sa pédale dans les virages et en sublimant la gestion des pneumatiques Pirelli qui posent des problèmes à beaucoup de pilotes. Si 2012 sera une saison particulièrement imprévisible, avec 7 vainqueurs différents aux 7 premières courses, la saison voit les McLaren dominer les épreuves, mais rarement terminer les courses. Un retour surprenant de Raikkonen dans l'écurie Lotus, faisant oublier qu'il était parti pendant deux saisons en renouant avec le succès et en terminant troisième du championnat. Duel comptant également les Red Bull et à nouveau Alonso, toujours dans une machine loin d'être optimale, mais compensant grandement avec une intelligence de course rappelant les meilleurs jours de pilotes tels que Prost, Lauda ou Stewart. Malgré tout, Vettel sera indiscutablement la nouvelle référence de la Formule 1. Car à seulement 27 ans, il a réussi à gagner un nombre de titres que seuls Fangio, Prost et Schumacher ont réussi à atteindre. L'avenir s'annonce sombre et déprimant pour la concurrence, alors laissez-moi vous raconter à la place une belle petite histoire. Brown Grand Prix, le conte de fées, certains l'appellent. Une équipe aussi vite venue qu'elle a disparu et qui provoquait l'incompréhension des spectateurs. Comment cette équipe pouvait être là, aux avant-postes, tout devant, d'habitude quand ils allumaient leur télé, c'était une voiture rouge, parfois grise, parfois bleue, qui gagnait. Quelles étaient donc ces étranges voitures blanches aux lignes jaunes fluo? Néanmoins, les observateurs savaient vraiment de quoi il s'agissait, et ce qui, aux yeux du commun des mortels, était un miracle, apparaissait alors comme une logique conséquence à ceux qui connaissaient l'histoire. En quittant Ferrari, fin 2006, Ross Brawn, membre du trio magique Ferrari avec Jean Todt et Schumacher, rejoignait Rubens Barrichello dans l'écurie Honda en 2007 en tant que directeur technique. En plus de son expérimenté camarade de Ferrari, il y trouvait une équipe d'ingénieurs brillants et déterminés et un énigmatique pilote britannique du nom de Jenson Button. Pourquoi énigmatique? Parce que Button, c'était le petit prodige qui arrivait en 2000, très jeune, mais qui a passé toute sa carrière à se faire mettre sur la touche pour des pilotes plus inspirants à la place. Remplacé par Montoya chez Williams, puis par Alonso chez Renault, il arrivait dans la structure basée à Brackley en 2003, aux côtés de Jacques Villeneuve. À la surprise de beaucoup, il occultait le champion 97 en 2003, et en 2004, il éblouissait en terminant 3ème du championnat et prenait sa première victoire en 2006. Pourtant, Button, il n'attirait pas les écuries de pointe. Son seul espoir, c'était que cette équipe Honda, qui souffrait dans le fond de peloton en 2007-2008 suite au changement au pneu Bridgestone et quelques autres ennuis techniques, fasse un petit peu ses preuves et l'aide à se battre pour de meilleures places. Mais Brawn et son équipe d'ingénieurs étaient aussi motivés par la révolution technique de 2009. Ils développaient massivement, scrutaient le règlement à la loupe, cherchant la moindre faille à exploiter avec le soutien financier de Honda qui dépensait sans compter, jusqu'à ce que, à l'intersaison 2008-2009, Honda se dise qu'ils auraient quand même dû compter ce qu'ils dépensaient, parce qu'ils ont mis la clé sous la porte. Des centaines de salariés au chômage, un pilote qui se voyait obligé d'envisager la retraite, et l'autre qui voyait ses vacances au ski gâchées lorsqu'il a reçu le coup de téléphone. Et on a eu un Ross Brawn désemparé de tout ce travail foutu en l'air. Mais l'ingénieur britannique ne voulait pas laisser tomber, se battant, combattant sur son aura, parce qu'il a un CV assez impressionnant déjà, Ross Brawn, tout ça pour essayer de trouver un nouvel investisseur. Il obtient le soutien de Richard Branson du groupe Virgin, des moteurs Mercedes-Benz à prix coûtant et une coupe drastique dans les salaires de Button et Barrichello. Et voilà la naissance de Brawn Grand Prix. Et une fois en piste pour la dernière semaine d'essai privé en Espagne, donc ils avaient raté pas mal de temps, c'est un choc parce que malgré tout le retard qu'ils ont accumulé pendant l'hiver, Brawn Grand Prix est la meilleure équipe et ils commencent la saison par un doublé mené par Button. Et en réalité, le Britannique a gagné 6 des 7 premières manches et Barrichello y prendra 2 autres victoires plus tard dans la saison. Il se dessine un semblant de lutte mondiale un peu distante au fil de la saison, parce que Brawn souffrait du manque d'argent pour développer la voiture. Mais malgré tout, c'était insuffisant pour donner une chance aux autres écuries qui revenaient de loin. Jenson Button est sacré champion du monde, et le monde constate à quel point... on avait zappé qu'il existait ce gars. Le porteur du numéro 1 est au centre de toutes les discussions pendant l'intersaison, et c'est McLaren qui réussit à se l'arracher après une saison 2009 qui a mis du temps à s'installer. Jensen rejoint Lewis, Hamilton, et il arrive à tenir la distance à la surprise du plus grand nombre, et parvient même à le battre régulièrement, occasionnellement. Il prend 8 victoires pour la marque, participe à la lutte au titre en 2010 et en 2012, et s'inscrit comme net vice-champion en 2011 derrière un Vettel inatteignable. Fidèle à Woking, Jensen termine sa carrière en sombrant dans le fond de gris avec son équipe. Une bien triste fin, mais celui qui faillit disparaître fin 2008 avec un seul succès modeste quitte la Formule 1 en 2016 avec 306 départs, 8 pole positions, 50 podiums et 15 victoires. Et un titre. Par moments, il suffit vraiment d'un rien pour passer de héros à zéro en Formule 1, et la saison 2009 et l'histoire de Jenson Button et Brown Grand Prix l'incarnent à la perfection. Car après cette seule saison à rafler les deux titres, Brown Grand Prix est racheté par Mercedes qui signe son retour en F1, et ainsi s'achève la courte, merveilleuse et incroyable histoire de Brown Grand Prix. 14h42. Un choc terrible, Felipe Massa percute le mur de pneus. 200 mètres plus tôt, le Brésilien prend un débris en pleine tête. Ben, il a reçu un énorme choc sur le casque et sur la tête. Et il a des problèmes crâniens et une plaie, mais on va à l'hôpital pour voir. Évacué en urgence, Massa est opéré dans la foulée. Il a une coupure au niveau du front, une fracture de l'arcade sourcilière et une commotion cérébrale. Le pronostic vital du Brésilien n'est pas engagé, il est maintenu en coma artificiel. Cet événement remet en question les normes de sécurité lorsque ce type d'incident survient. Peut-être que nous devrions faire quelque chose comme les joueurs de baseball qui disposent d'une grille de protection. Cela fait deux fois qu'un accident comme celui-ci se produit en 8 jours. La semaine dernière, en Angleterre, un pilote de F2 ne peut éviter une roue arrachée lors d'un accident. Il est tué sur le coup. La tête, c'est le talon d'Achille des pilotes. Le monde de l'automobile l'avait oublié. Ce sport est aussi beau que dangereux. Felipe Massa vient de sortir du coma. Il devra observer une longue convalescence, mais les médecins rapportent que le Brésilien est impatient de préparer son retour pour la saison 2010. 2014 apporte l'une des plus grosses révolutions de l'histoire du sport avec le passage au moteur V6 hybride. Après 4 années de domination Vettel Red Bull, le passage au moteur mi-électrique termine de faire fuir de nombreux fans. S'ajoute à cela l'accès de plus en plus difficile à la F1 pour les spectateurs du monde entier, passant sur des chaînes payantes, et avec Bernie Ecclestone, toujours à la tête de la FOM, étant particulièrement attaché aux droits de la Formule 1, luttant contre ce cancer et cette mode qu'est Internet, qui ose partager librement et gratuitement des vidéos et des photographies de la Formule 1, la discipline connaît une chute notable des audiences. Ancien pilote, puis manager de pilotes, notamment de Jochen Rindt, puis nouveau propriétaire de l'écurie Brabham, signant notamment Niki Lauda avec le premier contrat à plus de $1 million, son implication remarquable aussi dans la sécurité, notamment en forçant l'arrivée du professeur Sid Watkins et de la voiture médicale en F1, avant de se battre aussi pour que les écuries touchent des revenus commerciaux, et globalement le mérite d'avoir su comment promouvoir la F1 à travers le monde en rachetant les droits et en forçant les télévisions aussi à diffuser les Grands Prix s'ils voulaient avoir les images. Bordel, cette phrase est terriblement longue avec beaucoup de virgules, mais ce que tu dois comprendre, c'est que Bernie Ecclestone a tout pour mériter le respect de chaque fan de Formule 1. Mais sur les dernières décennies, il a surtout gagné l'image de l'oncle grincheux et démodé et avare, diminuant les parts commerciales versées aux équipes et signant de plus en plus de contrats dans des pays au patrimoine automobile pauvre et peu attrayant, mais offrant de plus gros chèques que des venues historiques telles que le Portugal, l'Allemagne ou la France. Tonton Bernie n'est clairement plus en phase avec son temps et la FOM sera rachetée par Liberty Media, une compagnie américaine tournée vers l'art de la communication, ce qui crée encore plus d'animosité de la part des fans de la F1 envers le sport. Heureusement, la perspective de ce nouveau règlement 2014 rappelle les bons souvenirs de 2009 et le changement de hiérarchie qu'il y avait eu, ce qui aide à raccrocher encore les passionnés les plus hésitants devant leur écran. Hélas, pour les fans de Ferrari, ce sera une énième déception avec un moteur et une voiture ratée au possible qui marquera la fin de sa relation avec Alonso. L'Espagnol, agacé de tirer des charrettes sur des podiums où elle n'aurait pas eu leur place, tente de retourner chez McLaren aux côtés de Button et marque également le retour de Honda en tant que motoriste. Mais cette relation sera un désastre avec un total de 0 podium cumulé par les deux champions du monde et des disputes entre l'équipe, le motoriste et le pilote résultant en leur triste fin de parcours en Formule 1 avec une McLaren atteignant des fonds qu'elle n'avait pas atteints depuis sa création. Pour Vettel, cela marque un brutal retour à la réalité avec une voiture capricieuse et un moteur Renault loin du compte. Sans le moindre succès sur une saison complète pour la première fois de sa carrière, il se voit en plus mis en difficulté par son nouvel équipier, Daniel Ricciardo. Le pilote australien, issu du programme junior de Red Bull, tout comme Vettel, démontre l'efficacité de ce système en prenant 3 victoires avec panache. Le quadruple champion du monde accepte le challenge Ferrari en remplaçant Alonso et réalise son rêve de poursuivre sur les traces laissées par Michael Schumacher. Red Bull en souffrance, McLaren dans l'oubli, Ferrari en pleine déchéance depuis le départ de Jean Todt. Eh ben nous, d'ailleurs on aurait presque oublié l'existence de la mythique écurie Williams, si dominante dans les années 80-90, mais après la disparition d'autres équipes indépendantes comme Brabham, Lotus, Ligier ou Tyrrell, la survie de Williams ne tient plus qu'à un fil, et ses résultats ont été très loin de ses standards historiques. Eh ben qu'est-ce qu'il nous reste alors ? Nous disions que Mercedes revenait fin 2009 en rachetant l'écurie Brown Grand Prix, l'équipe alignée alors Michael Schumacher, marquant un retour inespéré pour ses admirateurs. Mais Mercedes souffrait à rester dans la lutte pour les gros points et le retour de Schumacher était difficile. Ouais. Mais surtout, sa seule pole position perdue à cause d'une pénalité et son unique podium ramassé en 2012 ne faisaient que mettre en lumière que ce retour de 3 saisons ne sera qu'un plaisir coupable à observer et jamais à la hauteur du mythe du septuple champion du monde. On oublierait presque qu'il y a 2 pilotes dans une équipe. Pourtant, Nico Rosberg n'a pas démérité en face avec une victoire et 5 podiums. Oh oui, cher ami qui a gâché beaucoup trop de temps à regarder cette série d'émissions, je vois tes babines frétiller à l'évocation du nom Rosberg, mais non, non. Il ne s'agit pas du comeback du moustachu champion de 82, mais bien de son fiston. Débutant en 2006, Rosberg Jr. passait sa carrière dans l'ombre, a occasionnellement tiré des miracles, comme 2 podiums en 2008 dans une Williams erratique avant de rejoindre Mercedes en 2010, prenant les meilleurs résultats de l'équipe. En 2013, il est rejoint par Lewis Hamilton. No, it's a real privilege to be here. Obviously, I know you guys have had a couple of tough years, and I'm just here to work alongside all of you to try and see if we can turn some of those results into some serious results. Après 2 campagnes mondiales difficiles à cause du manque de constance de sa machine en 2010 et 2012, personne n'est surpris de le voir conclure le championnat 2013 en 4ème place avec un succès, mais voir Nico, seulement 18 points derrière avec 2 victoires, en surprenait plus d'un. Après 3 premières saisons décevantes, Mercedes créait la surprise et énormément d'attentes après sa position de vice-champion constructeur en 2013, et avec un nouveau management mené par Toto Wolff, un ex-pilote et entrepreneur déterminé, laissant Ross Brawn prendre sa retraite d'ingénieur et ramenant nul autre que Niki Lauda en tant que président non-exécutif. Les attentes étaient élevées et avec 7 titres pilotes et 8 titres constructeurs dans les 8 saisons qui ont suivi, on peut dire que les attentes ont été plutôt bien respectées. Entre 2014 et 2016, Mercedes prenait 51 des 59 victoires possibles, laissant ses pilotes se battre avec acharnement pour une couronne mondiale très convoitée. Sans surprise, Hamilton est le favori, menant la majorité du championnat 2014, mais Rosberg s'avère plus coriace qu'attendu, tenant la lutte jusqu'à la dernière manche, permettant à Hamilton, après des années de remise en question, de renouer avec le titre, avant de dominer aisément la saison 2015 et égaler Brabham, Stewart, Lauda, Piquet et son idole Senna. Mais dire que la collaboration entre les pilotes était tendue serait un merveilleux euphémisme. Certains n'hésitent pas à comparer cette collaboration à celle entre Prost et Senna, à la différence que Rosberg et Hamilton ont grandi ensemble, voyageant et partageant les mêmes pistes de karting. Entre le petit Lewis, roulant sur du matériel d'occasion qui battait le petit Nico, qui attirait toute l'attention grâce à son paternel, des tensions, trop subtiles et subconscientes pour des enfants, avaient grandi. En se battant pour la plus belle des récompenses, tout ressurgissait. Friction en piste, guerre des mots, ambiance froide en interne, les incalculables doublés de l'équipe sont célébrés avec retenue, l'ambiance est intenable. Nico cherche la provocation passive-agressive, inspirée par son coéquipier précédent. Lewis, quant à lui, déplore avec des mots forts tout ce que son coéquipier est, n'hésitant pas, lors de chaque défaite, à rappeler que son équipier est de la même nationalité que son équipe. Puis venait le second titre Mercedes de Lewis à Austin en 2015. Alors que Rosberg avait dû s'incliner en piste en commettant une erreur, terminant derrière Hamilton, la salle réservée aux pilotes avant de monter sur le podium était particulièrement tendue. Hamilton n'osait à peine laisser transparaître sa joie, trop gêné de la présence de Rosberg, furieux d'avoir perdu à nouveau, et Vettel, ne sachant pas où se mettre, entre féliciter l'un et consoler l'autre. Alors qu'il cherchait la casquette du sponsor à porter sur le podium, Lewis prend, accidentellement ou non, la casquette réservée au deuxième de l'épreuve. Par fausse courtoisie, ou provocation indirecte, il la lance à Rosberg avec dédain. Rosberg la lui renvoie en pleine figure. Comment ne pas rire devant cette scène de cour de récréation? Et comment ne pas se sentir humilié pour Rosberg? Il a entre les mains la machine qui lui permettrait de faire honneur à son nom, d'aller chercher ce qu'il poursuit depuis son enfance, mais face à lui, il a un des pilotes les plus naturellement doués de toute l'histoire. Ce petit incident de rien du tout sera une forme de déclic. C'est avec rage que Rosberg va se préparer, gagnant les trois dernières manches de la saison et les trois premières de la saison suivante. Sur un nuage, il n'est plus moqué comme l'éternel outsider d'un caïd, mais on ose croire en ses chances, surtout après un double chaos en Espagne, suite à une incompréhension entre les pilotes et certainement beaucoup de mauvaise volonté entre les deux. Lauda blâme Hamilton car il estime que c'était lui l'attaquant et que Rosberg était en position de faiblesse. Le reste de l'équipe accuse la bêtise des deux, mais Rosberg n'en a que faire, il ne se bat plus que pour lui-même. Lewis se sent isolé, abandonné par sa propre équipe. Cela ne peut laisser que toute la place du monde à une saison 2016 riche en actions, en rebondissements et en émotions. Jules Bianchi est décédé ce 17 juillet. Âgé de 25 ans, le pilote français était dans le coma, à la suite de son accident lors du Grand Prix du Japon 2014, où il avait percuté un engin de remorquage à l'arrêt. Bianchi était pressenti comme le futur champion de la Scuderia Ferrari, et un bel avenir lui était promis en F1. Malgré sa jeunesse, il avait déjà laissé son empreinte dans le paddock, par son talent et ses surprenantes performances, et par sa personnalité qui était très appréciée. C'est la première disparition en Grand Prix depuis Ayrton Senna, lors du tragique week-end du 1er mai 1994. 7747 jours. 21 ans, 2 mois et 2 semaines. La plus grande période sans tragédie de toute l'histoire de la F1. Les instances de la FIA, les pilotes, les équipes, en avaient même oublié comment réinitialiser ce sinistre et symbolique compteur qui indiquait le nombre de jours depuis la dernière tragédie. À vrai dire, plus personne n'y faisait attention. Oh, pour sûr, personne n'a oublié et n'oubliera jamais le week-end noir de 1994 et les enseignements avaient été scrupuleusement retenus et appliqués. Car si ce compteur a pu continuer à tourner si longtemps, ce n'est pas car les occasions de perdre un pilote se sont raréfiées. Au contraire. Martin Brundle en 96, Alan McNish en 2002, Robert Kubica en 2007, Mark Webber en 2010, et la liste est interminable. En réalité, un seul avertissement de ce week-end de 94 avait été ignoré. Mais il n'avait pas été ignoré par couardise, lâcheté ou incompétence, juste car on avait toujours accepté que la tête des pilotes était la partie la plus exposée et la moins protégée dans une Formule 1. Pourtant, c'était comme si le destin avait tout fait pour prévenir. Alonso et Grosjean en 2012, Schumacher et Luigi en 2010, Wurz et Coulthard en 2007, et le plus terrifiant rappel avec Massa en 2009. En 2012, Maria De Villota avait percuté le marche-pied d'un camion lors d'un test privé. Après des mois d'hospitalisation, elle survivait après avoir perdu son œil, mais les séquelles de l'incident ressurgissaient en 2013 et lui prenaient la vie. La FIA avait pourtant commencé à développer des systèmes de protection de la tête suite aux incidents de 2009, mais par manque d'efficacité de ces systèmes, ou face à l'opposition du monde de la Formule 1, nul ne le sait, ces systèmes n'avaient jamais été mis en place. On pourra aussi dire que 94 avait laissé un avertissement bien trop ignoré, mais au Grand Prix du Japon, sur ce même tracé de Suzuka, dans ce même virage, dans les mêmes conditions, Martin Brundle perdait le contrôle de sa McLaren. Le pilote anglais écrasait désespérément sa pédale de frein alors que sa voiture glissait tout droit vers un engin de remorquage. S'il compte si bien les détails, c'est car la terreur qu'il ressentit à ce moment-là fut soulagée lorsque sa voiture évita le tracteur par miracle. Toutefois, si la mort l'avait ignoré, Brundle avait percuté un commissaire de piste. La pauvre jambe cassée de ce volontaire semble bien dérisoire face aux conséquences de ce 5 octobre de 2014. La FIA introduit une nouvelle procédure, la voiture de sécurité virtuelle, en réponse à l'accident de Suzuka. Les relevés de l'accident indiquaient que Bianchi ne respectait pas convenablement les drapeaux jaunes demandant de ralentir, mais, entre le manque de visibilité absurde de ces conditions et le fait qu'un pilote de course cherche constamment à perdre le moins de temps possible, ce nouveau système permet de forcer les pilotes à totalement ralentir, et ce sans avoir à attendre une voiture de sécurité. Les drames se raréfient, mais la FIA ne doit pas oublier qu'il y a un univers de différence entre l'improbable et l'impossible, et affirme plus fortement sa position quant aux normes de sécurité. Mais ce type de réflexion semble se répéter indéfiniment, car après un tel drame, la seule chose que l'on puisse faire, c'est travailler pour pas que ça ne se reproduise. Mais lorsque une année est passée, deux années, trois, quatre, cinq et ainsi de suite, sans aucune tragédie, et lorsque les regrets commencent à s'estomper au fil du temps, il est facile de se relâcher, et c'est à cet instant très précis qu'on est le plus vulnérable. Yeah, this is really frustrating for sure. If you look just last week, I did a great race in terms of performance compared to Caterham and my teammate. But people don't notice that because I finished 15, you know. So this is sometimes not easy, but I think my target is just to do my best, make the team happy, and then if they're happy, for sure, people talk, and the other team will know. And this is important, you know. Will you be Formula One world champion? Do you think, in your heart? Well, I don't want to say I will because it's wrong for me to say that. Nobody knows, but for sure I want, and I will do all what I can to become one day, and if I can't, I will have no regrets. Image horrifiante en Formule 1. Le pilote Romain Grosjean a été victime d'un terrible accident au départ du Grand Prix de Bahreïn. Sa monoplace est passée à travers un rail à près de 200 km/h et s'est immédiatement embrasée. Bien que protégé du choc par le halo au-dessus de sa tête, le Français s'est retrouvé prisonnier pendant près de 27 secondes dans sa voiture, avant de réussir à sortir, aidé par les secouristes de la voiture médicale, toujours présent à l'arrière du peloton sur le départ des Grands Prix. Grosjean est hors de danger et souffre uniquement de brûlures aux mains et aux pieds, conséquence de ses efforts pour s'extirper de sa carcasse. Certains y voient un miracle, d'autres y voient la démonstration de 70 ans d'évolution en matière de sécurité. Rosberg, Hamilton, Rosberg, Hamilton. La tête du championnat n'arrête pas de changer. Mais Rosberg est parfait et Hamilton n'est pas aidé par le sort. Le fils de Keke doit terminer sur le podium pour être sacré lors de la course finale. Hamilton use toute la ruse dont il peut faire preuve en ralentissant Rosberg pour aider ses rivaux à l'attaquer. Sur ce tracé d'Abu Dhabi peu propice au dépassement et avec une intelligente gestion des sorties de virage, Rosberg est incapable de passer Hamilton. Il aura une frayeur lors de la chaotique phase des arrêts au stand, mais il parvient malgré tout à passer les concurrents qui pourraient lui faire perdre des places et, sans céder à la pression, terminer le championnat avec plus de points que Hamilton. De tous ces pilotes dans l'ombre de leur coéquipier champion du monde, Sévère, Rigazzoni, Berger, Coulthard, Barrichello, Weber, ceux qui étaient qualifiés de numéro 2, Nico Rosberg réalise l'impensable. Hamilton défend qu'il est le champion moral, Rosberg s'en moque, il a gagné, il a terminé la F1, il n'a plus rien à en attendre et annonce sa retraite immédiatement après son sacre. Il a grimpé le mont Everest et il n'a plus aucune raison de recommencer. En quittant la F1 ainsi, Rosberg clôt prématurément une rivalité qui semblait avoir atteint un nouveau tournant. Mais en ses propres mots, il n'aurait jamais eu la force ni la volonté d'affronter le Seigneur Lewis une nouvelle fois car il avait déjà donné son absolu maximum. Mais cette rivalité est remplacée par le retour en forme de Ferrari et Vettel. La Scuderia est de retour en 2017 et les deux légendes se livrent un duel d'anthologie entaché comme chaque fois par ses controverses. Vettel semble tirer la quintessence de sa voiture rouge. Il n'apprécie peut-être pas ses nouvelles F1 plus larges et lourdes, mais il semble en mesure de réaliser le fantasme de l'enfant qu'il fut en ramenant la Scuderia vers le succès, car en face, Hamilton a du mal. Mais Mercedes se rattrape sur la seconde moitié de saison, et entre impatience et manque de fiabilité, Vettel s'effondre, et voilà que Hamilton l'égale, rejoignant Prost à son tour avec un quatrième titre. Pour la toute première fois de l'histoire, la saison 2018 verra un duel entre deux hommes se battant pour un cinquième titre. L'histoire est bouche bée face à l'absurdité de voir un tel duel exister. Vettel est impérial en début de saison et Hamilton semble patiner, ne parvenant pas à trouver son aise sur la machine. Mais après une victoire depuis la 14e place, le jour où Vettel a mis sa Ferrari dans le mur, l'équilibre a basculé. Lewis Hamilton semble avoir atteint un tout autre niveau, des attaques toujours aussi incisives, des prestations toujours aussi sublimes, mais une sérénité d'un autre monde et un pilotage plus précis que jamais. Et le voilà désormais l'égal de Fangio. En voyant les deux prodiges qu'étaient Seb et Lewis à leur début, seuls les fous auraient nié leur talent de champion du monde. Mais seuls les fous auraient imaginé qu'un jour, ils soient capables d'atteindre de tels sommets. Avec une Scuderia Ferrari en déclin constant, celui qui restait quadruple champion du monde le dit. Hamilton n'a plus qu'un seul sommet à atteindre et il pourrait même le dépasser. Et il y eut des moments tendus, mais l'admiration et le respect entre Vettel et Hamilton transcendent les images capturées par les caméras. Avec deux autres saisons dominantes, le Britannique égale le total de 7 titres établis par Schumacher avec autant de maîtrise et de force que ce dernier dans une Mercedes qui n'a que très peu à envier à l'équipe Ferrari de l'Allemand. That's for all the kids out there who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support. Ces records que l'on croyait être un acte miraculeux sont toujours repoussés avec désormais, pour la première fois, le centenaire de pole position et de victoires battues. Lewis Hamilton est en route pour devenir, à son tour, celui qui établira les records que les générations futures n'oseront même pas rêver de battre. Alors que Raikkonen tire sa révérence, que Alonso revient pour une tournée d'adieu, le monde sait que Vettel et Hamilton sont aussi proches de leur fin, s'intéressant à ceux qui seront dignes d'être leurs héritiers, alors que les générations passées s'éteignent doucement. Old friends, sat on their park bench like bookends. newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friend. Winter companions, the old men, lost in their old... C'est une nouvelle journée qui commence au CHU de Grenoble, 18e jour de coma pour Michael Schumacher. De l'emballement médiatique des premiers jours, il ne reste presque rien. Journalistes et cars satellites ont disparu, seule cette banderole reste accrochée devant le CHU. Mais derrière ces murs, au cinquième étage du service de neurochirurgie, surveillé 24 heures sur 24 par un vigile, Michael Schumacher est toujours entre la vie et la mort. This is an original replica that gave to Fangio in 1957. What do you mean for me? Yeah. No way, really? You're a fifth time machine. I've got something maybe you'll be able to put in your museum. This is one of the helmets that I won the world championship with last year, replica, and I just wrote to Manuel, the godfather. The godfather. Thank you. Michael Schumacher. Jack Stewart. Alain Prost. Gilles Villeneuve, you know. Fangio. Is the Lewis the best of all the racing drivers altogether in history? It's so difficult to compare drivers from one generation with drivers of another because the circumstances were different. In my years of driving, if I raced for 5 year period, there was a 2 out of 3 chance I was going to die. I look at the situation that way, there's always a time of the year or years when there is a star of the Formula One, you know, performing great, doing a great results, and then comes the next one. I think it's very difficult to compare across eras. It's almost like trying to compare a modern fighter pilot with a World War II fighter pilot. It would be very, very interesting to see how Fangio would go in nowadays, you know, in today's F1, which is very different because there's so much more technology in it now and so much more all the electronics and everything. And but what I can say about the Lewis, he has used this time when he's in Formula One extremely well. It's more than just driving a racing car. There's got to be a bit of style involved. There's got to be good manners involved. There's got to be something called charisma. Undoubtedly, I think the most charismatic, the most mystical, was Ayrton Senna. Yeah, amazing in terms of when he was in the cockpit, out of the cockpit, obviously very powerful. Fangio seldom had an accident. Jim Clark seldom collided with anybody. He didn't have a helmet, he didn't have seat belts. And in those days, if you had a crash, the chances are you only had one crash, because it's going to kill you. He's not only a world champion in the circuit, but also a real gentleman outside racing car. Michael Schumacher, in my opinion, is the greatest of all time, because in 1995 he voluntarily left the team when he could have stayed and won more world championships. I'm not sure that world championships are the only answer. J'ai choisi d'aborder cette revue historique avec cette thématique, le meilleur pilote du monde. Voilà. Cela nous a permis de nous replonger dans certains des plus grands moments du sport, en nous focalisant sur les figures qui ont marqué la discipline, mais je sais, et je vous vois, bande de petits canaillous, vous vous disputez pour prouver qui est ce meilleur. Mais déjà, qu'est-ce qui définit le meilleur? Est-ce selon des critères purement objectifs tels que les statistiques? Eh bien alors, comment comparer Fangio, la première légende de la Formule 1, à Lewis Hamilton, la plus récente légende en date, qui a 2 fois plus de victoires en Grand Prix que Fangio n'a de départ? Alors est-ce qu'il faut compter sur l'empreinte laissée à travers l'histoire? Car pendant plus de 50 ans, Fangio c'était l'imbattable quintuple champion du monde. Alors est-ce qu'il sera juste de le détrôner pour ces 20 dernières années qui voyaient les 7 titres de Schumacher et Hamilton? Des pilotes qui ont gagné autant de titres dans une même équipe qui enregistrait des records de domination jamais égalés que l'Argentin qui a connu ses 5 titres dans 4 équipes différentes. Et pourquoi oublier ceux qui n'ont pu s'immiscer dans ces records à cause de la fatalité, comme Senna, Rindt ou Clark? Et vous offusquez pas, hein, je cherche pas à diminuer ou à grandir sélectivement certains pilotes, je pose naïvement quelques questions, quoi. Si moi, parce que là du coup je me sens ciblé parce qu'il y a une caméra sur ma tronche, si je devais élire un numéro 1, ma réponse, elle changera en fonction de mon humeur, ou de la phase de la Formule 1 qui me captive le plus, parce que aujourd'hui, bah, je dirais Fangio, mais peut-être que hier je vous aurais dit Stewart, mais peut-être que demain je vous dirais Prost, et dans une semaine je dirais Hamilton, et voilà, parce que je suis incapable de répondre, parce que bah mon admiration pour chacun de ces pilotes ne va cesser de grandir à chaque fois que j'aurai envie de savoir lequel est le meilleur, parce que en faisant ça, je vais me replonger dans la carrière de chaque pilote et je vais me dire « Ouais, mais quand même, dingue. » Et du coup, tu sais plus pour qui choisir. Donc peut-être même que, comme le disait Hakkinen dans les extraits qu'on vient de voir, ce n'est pas juste une question de numéro 1 dans l'histoire, mais une question de numéro 1 à l'instant T. Un instant rare et même miraculeux en réalité, d'un instant qui réunit un pilote avec un talent particulièrement unique, qui le démarqueront de tous ceux qui ont existé et existeront, d'un seul instant qui réunit cet individu dans une équipe qui sera la seule et unique capable d'offrir à cette personne une machine et une équipe qui lui permettra de sublimer le talent qu'il possède. De Fangio, qui dominait une décennie indépendamment de sa machine et qui imposait le respect par sa simple présence. Celui pour qui un équipier avait sacrifié ses chances de titre pour les lui laisser. Pour qui un meneur avait subitement ralenti car il refusait de lui prendre un tour. À Brabham, le garagiste dont le talent et les aptitudes mécaniques contribuaient à porter une nouvelle vague de constructeurs britanniques et qui gagnait un titre avec une voiture faite de ses mains. À Hill, dit le vieux, celui qui gagnera le surnom de Monsieur Monaco, à qui on décernera une médaille honorifique de triple couronne, tant il imposait son élégance sur les courses les plus prestigieuses, laissant apercevoir, derrière ce regard plaisantin et une apparence très soignée, un monstre assoiffé de succès. À Clark, qui participait et gagnait dans toutes les courses auxquelles il pouvait participer, et pour qui le seul vrai rival fut son manque de fiabilité. Celui dont le pilotage était si parfait qu'il inspire encore aujourd'hui le respect et l'admiration, et dont le palmarès impressionnant prend une toute autre dimension lorsqu'on se rappelle que le sort l'interrompit à son apogée. À Stewart, le premier vrai professionnel qui avait compris que gagner était un métier qui nécessitait de la précision en piste, et de la rigueur hors de la piste. Celui dont l'héritage de champion dominant est aussi immense que le combat pour la sécurité qu'il lançait. De Lauda, l'ordinateur qui pilotait avec une discrétion incompréhensible pour ses rivaux et qui ne se préoccupait de la première place que dans le dernier tour. Celui pour qui un des plus effroyables accidents de l'histoire n'était qu'une excuse de sa défaite au mondial, avant de prouver qu'il pouvait continuer à gagner comme si de rien n'était. À Piquet, l'électron libre de la Formule 1, dont le manque apparent de sérieux ne l'empêchait pas de gagner malgré des machines pas nécessairement à la hauteur, au destin brisé de Villeneuve et Pironi, à Mansell, cet éternel outsider à la volonté d'acier. Et à Prost, ce prodige passé à côté de plus de sacres pour des miettes dans l'une des aires les plus compétitives de l'histoire, pour qui l'incroyable nombre de 4 titres ne semble pas faire justice à ce petit homme qui incarnait l'alchimie parfaite de la finesse inimitable et d'une rapidité imbattable. De Senna, ce pilote si intrigant qu'il continue encore aujourd'hui d'inspirer, à la vitesse et à l'agressivité sans pareil qui continue encore aujourd'hui à faire rêver, et à la précision et à l'instinct si exceptionnel que ses prouesses sur piste mouillée continuent d'être adulées. À Hakkinen, ce gentleman des temps modernes qui fut le seul à sembler digne de rivaliser d'égal à égal avec les deux plus grands pilotes de son temps et dont les deux titres mondiaux, arrivés sur la fin de sa carrière, nous laissent fantasmer sur ce que sa légendaire rivalité aurait pu donner s'il avait eu plus souvent une meilleure machine. À Schumacher, qui, à lui seul, redéfinissait ce qu'impliquait le métier de pilote de course par son professionnalisme. Celui pour qui les 2-3 tâches sur son CV ne servent qu'à démontrer l'intensité de ce mystérieux personnage qui a réussi à être la figure capable de redonner le succès à une mourante Scuderia Ferrari. De Alonso, ce compétiteur débordant de détermination dont la carrière sera résumée à ce champion qui sublimait des Formule 1 sous-performantes, à Raikkonen, cet enflammé bloc de glace imperturbable et indifférent face à sa propre réussite, qui démontrait un talent digne des pilotes les plus expérimentés, bien qu'il fût le pilote avec le moins d'expérience arrivé en F1, avant de quitter le sport en étant le détenteur du record de participation. À Vettel, ce prodige malade de perfection qui avait réussi à faire de sa voiture l'outil de précision ultime et imbattable, cachant derrière son apparence innocente et ses belles manières, un assassin capable de tout écraser pour lui aussi réécrire l'histoire, jusqu'à Hamilton. Ce pilote pour qui rouler vite a toujours été une seconde nature et qui réussissait à porter la plus longue série de domination pilote-équipe de toute l'histoire. Celui qui était indéniablement de la trempe des plus grands dès son premier jour en Formule 1. Celui qui pourrait devenir et rester à jamais le plus couronné statistiquement si les prochaines évolutions de sport ne permettent plus de telles aires de domination. On pourrait croire que si la Formule 1 était un film, Hamilton serait le générique de fin. On pourrait croire que si la F1 était un jeu, Hamilton l'aurait terminé. On pourrait le croire. On pourrait le croire si la Formule 1 n'était pas un éternel cycle. De jeunes talents arrivent et certains, les plus exceptionnels du lot, explosent et parviennent à faire étinceler leur potentiel, à arriver dans les meilleures équipes et gagnent à leur tour, s'établissent comme les meilleurs, les références absolues et font rêver les fans du monde entier, jusqu'à ce que une nouvelle portée de jeunes pilotes, bercés par ces légendes, suivent leur chemin pour tenter d'écrire leur histoire. L'histoire d'un fils de qui veut prendre la relève pour embellir sa lignée, d'un fils de qui veut rendre hommage à son nom. L'histoire improbable, riche en leçons d'un pilote qui n'abandonne jamais. L'histoire d'un talent que le monde attend de découvrir au plus grand jour dans une machine compétitive. L'histoire touchante d'un prodige qui semble accablé par le sort, mais qui ressort grandi par chaque épreuve. L'histoire de celui qui battait l'icône du sport au dernier round d'une des saisons les plus intenses. L'histoire de ceux qui seront, eux aussi, un jour, le meilleur pilote du monde.